chargé de recherche au CNRS et rattaché ici à Nanterre au LESC. Il a d'abord travaillé sur le cinéma indien avant de proposer des analyses plus générales d'interactions un petit peu spécifiques avec des animaux, avec des robots, avec des sosies, et aujourd'hui avec des mi-robots, mi-dieux, mi... je ne sais pas comment je pourrais définir exactement. C'est son dernier terrain de cet été et dont il nous présente un certain nombre de matériaux et puis on aura le temps ensuite pendant une heure de discuter de tout ça. Je crois que le c'est plus Canet Chaussure, qui est un autre titre, du coup je te laisse le donner, je ne vais pas en... En fait, c'est le titre du film qu'on est en train de faire, qui s'appelle Ganesh Yourself. Et le titre que j'ai donné à mon intervention, qui était le... Enfin, jusqu'où on peut hijacker un dieu. Paradoxe et vertu du polythéisme expérimental. Alors, je vais m'expliquer sur tout ça. Je ne pensais pas que la question jusqu'où peut-on hijacker un dieu aurait une certaine résonance par rapport à ce qui s'est passé dans l'actualité. Et, donc, c'est peut-être un regard indien sur tout ça. Et pourquoi le problème du hijacking d'une divinité se poserait pas en Inde d'une certaine façon, ou en tout cas une certaine élasticité, peut-être plus que dans le cadre du monothéisme. Alors la question de départ, pour être assez simple, c'est est-ce qu'on peut fabriquer un artefact expérimental pour tester les limites du concept de Dieu, son élasticité, disons. Alors on peut tout imaginer, faire toutes les expériences de pensée qu'on veut, imaginer des tas de dialogues fictifs avec Dieu, et ça a été sans doute fait. On ne sera jamais aussi surpris par les résultats que si on tente d'une certaine façon, de manière expérientielle, physiquement, de concevoir un Dieu et qui permette aux gens de se mettre à la place de ce Dieu. Alors c'est cette idée qui est un peu saugrenue en apparence, qui a inspiré cette interface du dieu Ganesh qu'on a baptisé avec le Xaven Paré qui a conçu le robot, Bapa 2.0, parce que Bapa c'est père en hindi et c'est comme ça qu'on surnomme Ganesh. Et donc c'est un robot qui bouge la trompe, je sais pas si on voit. Et qui permet, je dirais, un contrôleur qui a une webcam qui est équipée d'un casque, d'avoir son visage retransmis dans le robot. Donc l'idée c'était que n'importe qui pouvait faire le Ganesh et n'importe qui aussi pouvait avoir une véritable conversation avec le dieu. Si je vous raconte un peu ce qui s'est passé, on a fait un mois d'expérience avec cette interface. Des prêtres hindous l'ont utilisé dans des rituels comme accessoire de retransmission des incantations, comme ici par exemple. Des astrologues s'en sont servis pour donner des consultations en réalisant que le passage par une telle interface permettait d'avoir un autre type de dialogue avec les clients. Je dois avoir une photo quelque part aussi. Ouais, pas là. Voilà, donc là, il y a le principe en fait de du casque avec la webcam, puis le visage de la personne qui est retransmis dedans. Il y a des activistes politiques, des écologistes, des militants gays, féministes, qui s'en sont servis pour faire passer des messages de réforme sociale, en s'apercevant qu'une telle interface, qui avait l'apparence d'un dieu, était un bon moyen de se faire entendre. Alors d'où le nom qu'on a donné au projet, qui s'appelle Ganesh Yourself. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce dieu-là et pas un autre? Essentiellement parce que c'est un des dieux les plus populaires de l'hindouisme. Et puis il y a cette idée que Ganesh en fait descend sur Terre, le dieu éléphant, descend sur Terre chaque année. C'est une espèce de machine ou de mécanisme digestif qui absorbe les infortunes des gens dans son gros estomac et qui ensuite finit immergé dans la mer. C'est un peu ce qui se passe au moment de la fête de Ganesh qui a lieu au mois de septembre, octobre. Évidemment, tout ça est de l'ordre de l'invisible. Enfin, on n'a jamais vu Ganesh ni absorber vraiment quoi que ce soit, ni digérer, ni même s'exprimer. En revanche, des artisans lui donnent des tas de formes. Alors, il faut que je retrouve les images. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vous donne juste quelques exemples. Là, on a la dernière réincarnation, enfin, la dernière incarnation télévisée du ganache dans une série télé. Mais on peut avoir des ganaches extrêmement abstraits qui sont un peu comme des boules, comme ça. Des ganaches faits à peu près avec tous les matériaux possibles, avec des pommes. Vous avez des vrais humains, si vous voulez, qui. Un sadou qui est une tête de ganesh, des formations naturelles. Vous avez des ganesh en fruits confits, voilà, ganesh en métal, etc. Donc les artisans n'hésitent pas, si vous voulez, à expérimenter certaines façons des formes plastiques nouvelles à chaque fête de ganesh. On peut fabriquer un ganesh avec à peu près n'importe quoi. Y compris se dire que pendant un rituel, prendre une noix de coco et dire ben voilà, ceci est Ganesh, à partir du moment où tout le monde est d'accord, on va considérer que c'est de Dieu Ganesh, et faire un rituel autour de ce Dieu. Alors évidemment, je vais vous montrer une vidéo quand même qui est assez rigolote. Mettons parce que tout mon écran c'est tassé comme ça, du coup je comprends plus grand chose, je suis désolé. Alors, on va voir. Mais voilà, par exemple, vous avez une vidéo passée à la télé de quelqu'un qui apprend à faire un ganesh avec des légumes. Bon, ça vous montre l'élasticité de la chose. Mais en fait, je savais pas tout ça avant qu'on fasse le robot, d'une certaine façon. On s'est aperçu très vite que finalement Ganesh pouvait être un peu dans tout et partout, si tant est qu'il a un minimum de traits qui était respecté, notamment la trompe, qui fait qu'on le reconnaît dans cette forme. Alors, évidemment, on peut faire des tas d'expériences sur le concept de Dieu dans un contexte polythéiste comme celui du polythéisme hindou. Dans quelles conditions un objet peut-il être considéré comme une personne? Jusqu'à quel point une entité invisible peut-elle posséder un corps? Il y a évidemment des tas d'expériences plastiques qu'on peut faire dans ce domaine, et les artisans passent leur temps à les faire. Mais quand on s'est lancé dans ce projet, on voulait aller un peu plus loin et pas faire seulement une expérience je dirais en psychologie de religion sur la perception des traits plastiques de la divinité, mais on voulait faire une expérience collective d'interaction, voire une expérimentation politique. Et donc on s'est dit, si on fabriquait un dieu qui parle, avec qui on peut avoir une vraie conversation, à quelles conditions cette voix serait-elle interprétée comme étant la voix de Dieu? Peut-on prendre le point de vue de Dieu, et qu'est-ce que ça veut dire en termes de subjectivation? Alors, les dieux d'ordinaire ne parlent pas, mais qu'est-ce qui se passe quand on dote Dieu d'une voix? Dans notre cas, il ne suffisait pas de concevoir sur le papier un ganache avec une trompe et un visage dedans. Il fallait tester la viabilité de la chose, si je puis dire. Quel genre de rapport était possible avec cette chose? Et ça, c'est difficile à imaginer avant de faire l'expérience. Alors, Bapa 2.0, donc la version de Ganesh que vous avez vue, c'était aussi une manière pour nous de prolonger une réflexion qu'on avait commencé avec Xaven Paré, qui a fait le robot, sur la robotique. On avait travaillé sur le Gemenoid, qui est ce robot fait par un roboticien japonais à son image, donc c'était un humanoïde. Et on avait fait plusieurs semaines d'expérience au Japon, on avait cherché à tester toutes les possibilités du robot. Je ne sais pas si vous, si vous avez, sans doute que vous connaissez, vous avez déjà vu des images du Géménoïde. Je vais éventuellement vous en montrer. Ça va pas aller. Hop. Pour voir à qui on a affaire. Voilà, donc un des premiers robots humanoïdes faits à l'image de quelqu'un. La question qu'on s'était posée, enfin le problème qu'on avait eu avec c'est un peu une grosse marionnette, si vous voulez, qui est aussi peu un robot en fait que le Ganesh qu'on a fait. Parce qu'il est contrôlé par quelqu'un qui est derrière un ordinateur dont les expressions de visage sont reproduites par le robot lui-même. Donc la question, si vous voulez, c'est... qu'est-ce qui se passe quand on est trois dans une communication ordinaire au lieu d'être deux, puisque là vous avez une conversation avec le contrôleur qui est derrière, mais vous avez une conversation qui est médiatisée par l'intermédiaire de cette reproduction humaine. Le problème qu'on avait, on le réalisait très vite. On avait commencé à travailler sur le Géménoïde, c'est que quand on commence à parler de l'interaction homme-machine, c'est souvent abordé de manière essentiellement dualiste, si vous voulez. C'est-à-dire on parle tout de suite de machine et d'humain. Alors que la plupart des relations machines impliquent bien plus d'entités qu'on veut bien envisager d'ordinaire. Alors avec Ishiguro, c'est donc le roboticien japonais, c'était déjà le cas. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il n'y avait pas seulement la machine, si vous voulez, il y avait le contrôleur qui était derrière, et puis Ishiguro et son double. Alors c'était déjà un ensemble d'entités, si vous voulez, qui fait que le problème qui est abordé de manière duale d'habitude devait être d'une certaine façon pluralisé, parce qu'on avait au moins trois personnages qui était présent à chaque interaction, chaque fois que vous interagissiez avec ce robot. Alors, avec Ganesh, on avait un problème qui était assez similaire, ce n'est que on n'avait pas ce problème d'anthropomorphisme morbide qui était un peu ce que vous voyez avec le robot d'Ishiguro, dont le but c'était effectivement d'imiter l'humain au maximum. Avec Ganesh, bon, on n'avait pas de... on n'a pas cherché à imiter... spécialement un humain, on avait un humain retransmis dans une interface d'éléphant. Mais on avait d'autres problèmes qui pouvaient être assez similaires et qui relèvent de ce que j'appellerais, qui sont des problèmes de concrétion. Au sens, le terme de concrétion, c'est un terme de chimie qui est employé pour désigner l'agrégation de différents corps chimiques et physiques qui se solidifient ensemble. On a ce problème-là, enfin vous allez voir très rapidement dans les interactions que je vais vous montrer avec Ganesh, un processus de concrétion qui doit se faire entre au moins trois termes, un dieu, une machine et un humain, le contrôleur, qui sont réunis dans une seule interface, sans jamais toutefois être complètement équivalents. On va voir pourquoi. Et c'est ce flottement, si vous voulez, entre les entités en présence, si je puis dire, peut être plus ou moins acceptable ou plus ou moins toléré, sur lequel on avait envie de travailler avec Zaven quand on a fait le robot. Alors d'un point de vue technique, le robot de Ganesh n'était pas plus robot, comme je l'ai dit, que le Géménoïde. Mais le débat de savoir si c'est un robot ou pas, en fait, ne nous intéressait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'est pas très important. Ce qui nous intéressait davantage, c'était le fait que c'était une interface qui visait à... je vais reprendre l'expression et à détourner un peu l'expression de Foucault, qui visait à arracher le Dieu à lui-même. Alors, pas le sujet à lui-même, mais le Dieu à lui-même. Alors je détourne un peu Foucault, je le hijack même, parce que Foucault dit pas tout à fait ça, mais c'est quand il cherche à définir la notion d'expérience, et même celle d'expérience limite, il dit « Je me suis efforcé en particulier de comprendre comment l'homme avait transformé en objet de connaissance certaines de ses expériences limites, la folie, la mort, le crime. » Et plus loin, il dit « L'idée d'une expérience limite qui arrache le sujet à lui-même, voilà ce qui était important pour moi. » Et un peu avant, il dit « L'expérience, doit permettre une transformation, une métamorphose qui ne soit pas seulement la mienne, mais qui puisse avoir une certaine valeur pour les autres. Alors évidemment, c'est intéressant pour nous d'hijacker Foucault, si je puis dire, parce que tous ceux qui ont fait l'expérience de ventriloquie qui consiste à prendre la voix de Ganesh, enfin la voix du Dieu, à parler en son nom, auraient pu dire exactement la même chose. Et même Ganesh lui-même, d'une certaine façon, s'il avait eu une voix, aurait pu dire « Cette expérience m'a permis une transformation, une métamorphose qui ne soit pas seulement la mienne, mais qui a une certaine valeur pour les autres. » Vous allez me dire où est-ce qu'il va en venir. Il parle d'hijacker Dieu et il commence par hijacker Foucault. Et en plus, il est en train de me dire qu'avec cette marionnette, c'est pas lui qui fait des expériences, mais que c'est Ganesh lui-même qui expérimente. Alors d'une certaine manière, oui, c'est le point auquel je voudrais vous conduire. Pour ceux qui s'intéressent à la notion d'expérience, il existe deux grandes tendances, d'une certaine façon, dans ce qu'on peut lire sur la notion d'expérience. Une tendance à l'épuration, puis une tendance à la dilution du concept d'expérience. La tendance à l'épuration, c'est, je dirais, la phrase de Claude Bernard, « L'homme ne peut observer les phénomènes qui l'entourent que dans des limites très restreintes. Le plus grand nombre échappe naturellement à ses sens et l'observation simple ne lui suffit pas. Il faut donc les provoquer, ces phénomènes, et créer les conditions pour qu'ils apparaissent. » Alors, vous allez retrouver ce modèle d'expérience en psychologie expérimentale, beaucoup. En psychologie cognitive, en laboratoire et même en sociologie dans les expériences de Garfinkel, dans les expériences de breaching, de provocation. Alors, réduire l'expérience dont je vais parler à une expérience de psychologie expérimentale dont l'expérimentateur aurait pu contrôler tous les paramètres, ou même à une expérience de breaching, reviendrait à la trivialiser largement, car là encore, même dans le breaching, tel qu'il est conçu par Garfinkel, l'expérimentateur reste le sujet. Alors ce que je retiens, si vous voulez, pour le modèle d'expérience auquel je veux arriver, ce que je retiens de ce premier modèle, c'est l'idée qu'une expérience revient à fabriquer un protocole pour capturer des choses qui paraissent totalement hors de portée, qui introduit une rupture avec l'habituation, enfin un élément trouble, qui va entraîner les sujets d'expérience dans une situation inédite, en espérant que ce protocole va générer des effets de connaissances radicaux un peu plus poussés que d'ordinaire. Alors l'autre tendance, si je puis dire, je suis désolé de prendre tant de temps pour l'introduction, mais c'est nécessaire pour arriver au point où je veux en venir tout à l'heure. L'autre tendance, elle consiste à ouvrir au maximum la notion d'expérience, quitte à la diluer, c'est ce qu'on va retrouver dans le pragmatisme à la dit oui. Pour dire oui, l'expérience, c'est définir toute relation active que l'on entretient avec l'environnement. Pour dire oui, toute situation dans laquelle un organisme entre en relation d'une manière active avec son environnement, soit pour maintenir son équilibre, soit pour créer un nouvel équilibre, est de l'ordre de l'expérience. Alors évidemment, cette définition est plus intéressante parce qu'il n'y a rien qui nous interdit avec cette conception de penser que les humains sont les seuls à expérimenter, les animaux qui cherchent de nouveaux habitats, les virus qui cherchent de nouveaux terrains, les dieux qui s'incarnent dans des formes plus ou moins viables ou durables. Évidemment, on peut élargir ce modèle à des non-humains. Alors, je passe sur le dilemme final de Dewey qui m'intéresse moins, dans Expérience et Nature, si vous lisez un peu. Il y a l'idée que l'expérience se confond avec la notion de culture. C'est le point final de la dilution de la notion d'expérience. Alors si la culture c'est l'expérience, alors la notion d'expérience ne sert plus à grand chose. Mais ce que je retiens du pragmatisme ici, enfin pour l'expérience qui nous intéresse, c'est la possibilité de considérer qu'expérimenter c'est tester un nouvel équilibre avec son environnement, sachant qu'il faut d'une certaine façon être prêt à redistribuer cette capacité, les humains n'étant pas les seuls à chercher de nouveaux équilibres. Et le fait que les scientifiques ne sont pas les seuls à expérimenter, qu'il existe même des cultures de l'expérimentation insoupçonnée. Et je dirais que le polythéisme en est une culture de l'expérimentation. Alors, on s'est lancé dans ce projet de reconception d'un dieu, si vous voulez, sans véritablement savoir où ça mènerait. Enfin, si ce n'est qu'on savait qu'on voulait tester les limites de ce qu'il était possible de faire dans le cadre du polythéisme hindou. Donc, une expérience sur les sur l'élasticité du panthéon hindou et la possibilité d'ajouter une nouvelle entité ou de trafiquer, si vous voulez, une variation dans ce panthéon. À quelles conditions une interface est-elle, enfin une nouvelle interface est-elle acceptable ? C'était un peu la question. Alors si j'arrive à vous démontrer que dans tout ça, enfin tout ce que je vais vous montrer, là encore je m'excuse pour la longue introduction, si j'arrive à vous montrer que le véritable expérimentateur dans tout ça, c'était pas nous, mais c'était peut-être Dieu lui-même, alors enfin, j'aurais en partie gagné mon pari. Comme la mort, la folie, le crime, la sexualité ont donné lieu, enfin, disait Foucault, à des grandes expérimentations historiques, le polythéisme est en fait une grande expérience sur des formes, et peut-être la plus longue et la plus prolifique. Ce polythéisme, qu'on a réduit bien souvent à un espèce de catalogue de formes toutes faites et héritées, a par nature une consistance expérimentale que le Ganesh, dans sa version robotisée, va permettre de révéler. Alors, il y a un texte de Hegel que j'aime beaucoup pour introduire la notion de polythéisme expérimental. C'est un texte qui est tiré de l'esthétique, qui est au chapitre sur l'art symbolique, j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois complètement faux, mais en même temps, il est assez efficace pour faire émerger la notion de polythéisme expérimental. Il fait une analyse de l'art indien, dans le chapitre sur l'art symbolique, qui est pour lui une sorte d'art raté, dégénéré, et il aboutit à une sorte de théorie négative, si vous voulez, de la fluctuation des formes, de ce que j'ai envie d'appeler le métamorphing, qui est à la base du polythéisme, c'est-à-dire l'idée que ce à quoi vous avez affaire ne sont pas des êtres, mais des morphes, ou des états de morphing. Alors je vous lis le passage de Hegel, donc à propos de l'art indien. Et peut-être une photo, une image qui est ce qui a dû inspirer Hegel peut-être à l'époque. Si je retrouve. Bon, je ne vais pas la retrouver. Ouais, c'est les images de Kreuzer. C'est sans doute c'était ce qui était connu des divinités hindoues. Au 19e. Alors Hegel écrit « Ce que nous rencontrons d'abord, ce sont des productions d'une imagination qui fermente et s'agite en tous sens. Dans cette première tentative de l'esprit humain pour séparer les éléments et les réunir, sa pensée est encore confuse et vague. Le principe des choses n'est pas conçu dans sa nature spirituelle. Les idées sur Dieu sont de vides abstractions. En même temps, les formes qu'il représente portent un caractère exclusivement sensible et matériel. Plongé encore dans la contemplation du monde sensible, n'ayant pour apprécier la réalité ni mesure ni règle fixe, l'homme s'épuise en inutiles efforts pour pénétrer le sens général de l'univers. Il ne sait employer pour exprimer les pensées les plus profondes que des images et des représentations grossières où éclate l'opposition entre l'idée et la forme. L'imagination va ainsi d'un extrême à l'autre, s'élevant très haut pour retomber plus bas encore, errant sans appui, sans guide et sans but, dans un monde de représentations à la fois grandiose, bizarre et grotesque. Tel est le caractère de la mythologie indienne et l'art qui correspond. Au milieu de ces sauts brusques et inconsidérés, de ce passage d'un excès à un autre, si nous trouvons de la grandeur et un caractère imposant dans ces conceptions, nous voyons ensuite l'être universel précipité dans les formes les plus ignobles du monde sensible. L'imagination ne sait échapper à cette contradiction qu'en étendant indéfiniment les dimensions de la forme. Elle s'égare dans des créations gigantesques, caractérisées par l'absence de toute mesure et se perd dans le vague ou l'arbitraire. Alors pour Hegel, l'art indien, c'est d'une certaine façon le symbole du cauchemar de la raison. J'aime bien ce texte parce qu'il a la vertu de traiter l'art polythéiste comme une recherche, une quête qui ne peut jamais se stabiliser autrement que dans des formes qui sont des sortes de compromis, de composés morphologiques, une espèce d'anthropomorphisme déjanté comme ça, apparent, de polythéisme hindou. Une forme de libéralisme décomplexé des formes, si vous voulez. Et si vous enlevez ensuite du texte tout ce qui est de l'ordre du jugement, enfin du dégoût que l'art indien inspire à Hegel, on a une très belle analyse du fait que le polythéisme est une sorte d'expérimentation morphologique qui tâtonne et qui passe du plus abstrait au plus concret et qui assume sans interdit le fait que Dieu se cherche dans ses représentations, son incarnabilité, si vous voulez. Et ça, d'une certaine façon, c'est ce que Hegel ne peut pas s'expliquer dans son texte. C'est comment on peut, dans un cas, dire qu'un dieu a une tête d'éléphant et de l'autre, soutenir que Dieu est partout, qu'il n'a aucune forme. Comment peut-on être aussi inconsistant avec l'idée de Dieu, aussi fluctuant? Alors, cette fluctuation, on va la voir dans des expériences très concrètes qu'on a faites, qui sont des expériences de dialogue et de conversation avec le Dieu. Dans des expériences qui sont assez proches, finalement, ce qu'avait fait Turing avec les robots quand il a conçu son fameux test, c'était une sorte d'épreuve pour, si vous voulez, déterminer dans quelle mesure une machine a des capacités de penser. Alors, je rappelle très brièvement le test de Turing, parce que c'est quand même, c'est la base de ce qui nous a inspiré dans l'expérience. Turing substitue à la question « les machines pensent-elles ?» une autre question. Il dit que c'est pas intéressant de se poser cette question. Et la question intéressante à se poser, c'est dans quelles conditions une machine peut-elle nous tromper sur le fait qu'elle pense. Et donc, ça a influencé toute la robotique depuis les années 50. C'est-à-dire qu'on fait passer de manière continue des tests de Turing aux machines. La forme que prenait le test de Turing, c'était assez simple. Vous aviez une machine qui ressemblait à un ordinateur avec quelqu'un dans une pièce et puis un cobaye dans une autre pièce, et la machine et le cobaye s'échangeaient des billets, si vous voulez, et le but de la machine, c'était de faire croire au cobaye qu'elle était une femme ou un homme, et le but de l'être humain qui était le cobaye, c'était de deviner si la machine était un homme ou une femme. Et la personne qui accompagnait la machine dans la pièce où se trouvait la machine avait pour fonction, pour fonction de brouiller les cartes et de générer le maximum d'ambiguïté pour tromper le questionneur. Si vous voulez. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas du tout, c'est un test extrêmement interactif, si vous voulez, extrêmement situé. Et qui s'inspirait en fait d'un jeu de foire à la tournée manège, si vous voulez, pour tester une capacité au bluff. Les machines n'étant pas douées d'intentionnalité, pour Turing, si elles étaient douées d'intentionnalité, c'était uniquement un effet, d'une certaine façon, une tromperie, qui était due, si vous voulez, à la générosité de nos mécanismes d'imputation et de projection. Qui se laissait plus ou moins flouer. Alors la prévalence du test de Turing est extrêmement forte encore aujourd'hui en robotique, puisqu'on n'arrive même pas à en sortir. C'est-à-dire toutes les machines qu'on cherche, même à, qui font carrière dans le commerce, passent par un certain nombre de tests et qui sont de cet ordre-là. En gros, quand on teste une machine, c'est la perception de l'utilisateur, si vous voulez, ou la perception de l'interactant, ses capacités d'attribution, que l'on va tester d'abord. On peut, d'une certaine façon, se dire que rien ne nous interdit de penser que lorsqu'une machine est douée de propriétés cognitives, on joue avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, des manières d'être une machine qui n'ont jamais été explorées, mais c'est pas du tout ça qui, je dirais, a inspiré le test de Turing. Alors, c'est un vrai enjeu pour la robotique de sortir de l'ère du bluff, du trucage, si vous voulez, du malentendu, de l'équivoque, dans lequel le test de Turing a plongé la conception robotique. Mais on sait toujours pas comment faire. Alors, pour vous donner un aperçu de la manière dont on aborde habituellement le problème de l'attribution, enfin de l'imputation, imaginons qu'une machine vous envoie un message qui dit « Je suis un être humain. » Quelle serait votre réaction ou quelles sont les réactions possibles? On peut prendre ce signal au premier degré, l'accepter et se comporter avec la machine comme avec un humain. Mais comme il s'agit d'une machine, elle va avoir du mal à dissimuler longtemps ses caractéristiques de machine. Il est donc probable que vous soyez pris dans un jeu qui est plus compliqué, que ces signaux génèrent une sorte de malentendu, un conflit de catégorie ontologique entre l'humain et la machine. Une contradiction entre deux systèmes d'inférence, comme on dit en sciences cognitives. Celui qui vous conduit à identifier un humain et à vous comporter avec la machine comme on se comporte d'ordinaire avec un être humain, et celui qui vous dit que c'est une machine déterminant un autre type de comportement. Alors, on peut compliquer encore la situation. Imaginez que vous avez un désir très fort de considérer cette machine comme un être humain, mais que la machine dérape périodiquement, vous envoyant le signal qu'elle n'est qu'une machine. Alors, soit vous l'ignorez, soit vous trouvez un moyen ou un compromis pour gérer ces informations paradoxales, cette intermittence, si vous voulez, des signaux d'humanité. Alors, imaginons maintenant, parce que c'est ce qu'on a fait, finalement, qu'un humain derrière une machine vous envoie un message qui dit « Je suis un dieu ». Vous pouvez prendre ce signal au premier degré et vous comporter avec cet humain qui est derrière la machine comme avec un dieu. Mais comme il s'agit d'un homme qui est derrière une machine, vous avez le choix entre vous adresser à trois entités distinctes. Vous pouvez vous adresser à un dieu, à l'humain qui est derrière la machine, ou à la machine elle-même. Vous avez trois possibilités d'inférence. Identifier un humain et vous comporter avec la machine comme on se comporte d'ordinaire avec un être humain, identifier un dieu, se comporter comme avec un dieu, ou n'y voir qu'une machine et se comporter avec la machine comme avec un instrument. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces trois composantes, je dirais, internes de l'entité à laquelle vous avez affaire, entre le dieu, l'homme, la machine, lorsqu'elle interagit avec le questionneur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus compliqué qui se passe qu'un simple rapport cognitif d'attribution? Quelque chose de plus, je dirais, cannibale entre les trois entités en question, qui serait de l'ordre de la possession, un rapport plus compliqué avec le questionneur, en tout cas qu'un jeu de devinette à la Turing du type « tu es vrai ou tu es faux ». Vous avez un homme qui... Pourquoi je parle de possession? Essentiellement parce que vous avez un homme qui veut être un dieu, enfin, vous allez le voir, un dieu qui peut considérer qu'il veut être un homme, une machine qui se laisse posséder par l'un ou l'autre, et un individu singulier qui, même s'il cherche à se réfugier derrière l'une ou l'autre de ces entités, peut dire « je suis, en fait, je suis une machine », peut vous dire aussi « je suis un dieu », peut dire « je suis moi-même individu X derrière une machine », ben cet individu doit répondre aux questions qu'on lui pose. Alors, je sais pas, je suis vraiment désolé pour la longueur de l'introduction. Je vais essentiellement suivre, enfin vous montrer des extraits, et puis vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut, enfin comment est-ce qu'on a essayé d'analyser tout ça. Je vous montre juste ce que ça donne en termes de... Voilà. Bon, en gros, généralement, on est parti avec un acteur, alors qu'il n'était pas celui-là. Mais en gros, donc vous avez le visage qui est retransmis, et puis le dialogue qui s'instaure avec les gens. Donc, première personne à qui on a demandé de faire le Ganesh. Je suis pas du tout dans le bon truc, je suis désolé. विचार करने से आपको वह चीज अवश्य मिलेगी, फिर चाहे वो धन हो Bon, j'arrête là pour la première. Je vais peut-être vous les passer à la suite, comme ça vous avez le matériau, enfin au moins quelques exemples. Là, en gros, ce que vous avez eu, c'est les premières expériences qui ont été faites avec le premier Ganesh qu'on a utilisé, qui était quelqu'un qui encourageait plutôt les gens à la dévotion, et on s'est retrouvé avec un certain nombre de réactions comme ça qui commençaient à surgir. Ce que vous voyez, c'est que déjà il y a un certain nombre de problèmes qui émergent. Enfin, c'est-à-dire que les gens profitent du fait qu'ils peuvent parler à un dieu, parce que normalement ça se fait pas, pour lui dire un certain nombre de choses, notamment le fait que il prie de manière générale et que rien ne se passe. Et vous avez le choix par rapport à ça, si vous êtes un dieu, de soit de dire continuez à m'adorer, continuez à prier, soit d'essayer de fournir des problèmes très concrets, enfin des solutions en tout cas, aux problèmes des gens. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on pourrait appeler le soupçon. Il y a un ensemble de variables, si vous voulez, qu'on peut observer, qu'on pourrait presque mesurer dans chaque interaction. Je vous les donne très rapidement. Il y a, je dirais, ce qu'on pourrait appeler la quantité de soupçons, d'abord. Faut que je retrouve mes schémas, et je ne sais pas où ils sont. Ça va être très clair avec la deuxième interaction, mais bon, déjà dès la première, c'est assez visible. Vous voyez quelque chose? C'est d'abord une espèce de première quantité, si vous voulez, qui varie d'une interaction à l'autre, c'est la quantité de soupçons. Alors, vous avez vu dès le départ, elle était plutôt assez. Enfin, la femme qui entre en interaction avec le robot, elle avait une certaine dose de doute par rapport à qui elle avait affaire. Et puis, petit à petit, le soupçon se dissipe, etc. Et en fonction de ce qui est dit par le robot, le soupçon peut se dissiper totalement ou bien continuer à surnager, si vous voulez. Les graphes correspondent à rien, mais en fait, on pourrait très bien, dans l'interaction, en tout cas, mesurer la quantité de soupçon. Même chose avec la ventriloquie. Alors, qui arrive à se faire oublier de temps en temps, et qui peut se voir quand la personne qui est derrière le robot... si vous voulez, dit, alors là elle ne le disait pas, elle prenait vraiment le point de vue de Dieu en disant je suis Ganesh en gros, mais des fois elle peut, sur une sorte de presque de malentendu, dire mais en fait non, vous savez, je ne suis pas un dieu, je suis un homme qui est d'une certaine façon emprisonné dans une espèce d'interface comme ça. Voilà. Alors la quantité de ventriloquie, d'une certaine façon, peut aussi se mesurer, enfin en tout cas varier au sein de l'interaction. La personnalité, c'est-à-dire le fait que vous avez affaire à un individu singulier qui a un point de vue, peut aussi s'affirmer et se diluer. Vous allez le voir dans d'autres interactions que je vais vous montrer. la répondance, qui est le fait que vous, d'une certaine façon, vous répondez avec plus ou moins de réussite aux questions qui vous sont posées. Là encore, vous pouvez faire face à un certain nombre de questions qui sont plutôt de l'ordre de la divination, auxquelles vous êtes obligé de répondre, etc. On peut la suivre et d'une certaine façon aussi la mesurer. La métamorphose, elle se produit plus ou moins à l'insu du contrôleur. Et ça, c'est intéressant, c'est quand vous interrogez la personne qui a fait le ganache, généralement, dit toujours « En fait, c'est incroyable, j'ai l'impression que c'était pas moi qui parlais, mais que c'était quelqu'un d'autre à travers moi. » Ou encore « c'est drôle, j'ai l'impression que c'était ma voix intérieure, cette personne à qui je parle dans l'intimité, au fond, qui était extériorisée dans le robot. » Et qui revient, si vous voulez, au contrôleur, en pleine figure, si vous voulez. Mais à chaque fois, il y a le même effet. Vous parlez à travers ce truc, mais vous vous dites, en fait, c'est pas moi qui parle, il y a quelqu'un qui est en train de parler à travers moi. Alors ça, c'est une expérience très subjective, mais c'est la plupart des... On a fait un débriefing après chaque interaction, et s'est aperçu que ceux qui étaient derrière le robot, généralement, avaient toujours cette impression-là, quand l'interaction était réussie. Quand elle était ratée, ben, ils avaient toujours l'impression que c'était eux qui parlaient, que c'était pas Dieu. Il y a un autre paramètre qu'on va voir varier d'une interaction à l'autre, c'est le degré d'empathie. Parce que vous êtes un Dieu et vous devez répondre. Alors, tout l'art de répondre, questions qui vous sont posées, c'est de se mettre à la place des gens qui vous posent des questions. Alors, bien sûr, les gens qui vous visitent peuvent être... peuvent faire preuve d'empathie envers vous en se rendant compte que c'est difficile d'être un dieu. Mais en fait, le plus souvent, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire qu'un dieu doit être d'abord empathique envers les hommes, exprimer sa solidarité. Et on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez qu'il y a des ganèches, les gens qui ont fait le ganèche, qui ont décidé à un moment de ne plus faire preuve d'empathie. Ou alors de perturber les gens de façon très, très volontaire. Donc c'est aussi un paramètre sur lequel on peut jouer, si vous voulez. En fait, ce que je vous montre ici, c'est tous les paramètres de l'expérience, au fond, qui sont apparus au fur et à mesure. Et puis, il y a quelque chose qui s'exprime dans le dialogue, et c'est peut-être le plus important, avec la question centrale, vous allez le voir avec les autres interactions, c'est qu'est-ce qui s'exprime ? Il y a expression de sagesse, si vous voulez, et cette sagesse, elle varie aussi nécessairement, elle se contredit, elle est discutée, etc. Mais elle est, je dirais, première par rapport à la question ontologique, savoir à qui vous avez affaire. Donc à partir du moment où, c'est ce qu'on a fait, on a fait en sorte que le robot soit hijacké par plein de gens, on a dû se mettre en quête de gens qui avaient une parole. Et à tous les coins de rue, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient prêts à faire le ganache et à conseiller les autres et à devenir consultants pour les autres. Vous allez voir quelle forme peut prendre cette sagesse et puis on discutera après. On voit pas très bien quand même avec les sous-titres, non ? C'est pas le sous-titre. Non, je veux dire, c'est là, je sais pas comment faire. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est plus la taille du sous-titre, ça vous gêne pas. Alors là, on va voir, c'est une autre interaction qui est assez différente de la première. C'est que vous avez la même personne qui est derrière le robot. Mais l'interaction précédente, c'était en gros, d'une certaine façon, un dieu qui encourageait à la dévotion. Là, vous allez avoir un... C'est la première fois, c'est peut-être la deuxième interaction qu'on avait faite. Un type qui va profiter du fait qu'il a affaire à un dieu pour, en gros, lui faire part de tous les problèmes qui existent à Bombay. Enfin, vous allez voir, c'est assez amusant. Et mettre en défaut le dieu. Donc, c'est une sorte de test de Turing inversé, si vous voulez. C'est tout faire pour que le dieu soit démasqué comme étant un faux dieu. Yeah. sabi mano to ang kine iska samata bhi aap sabi ke paas hai samana to hamare paas hai to main kaam na karta hu उन सारे बच्चों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी वो वाहन चलाएं अत्यधिक तीव्र ना चलाएं वे धीरे धीरे वाहन चलाएं और सारी युवा पीढ़ी को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ यदि आप अत्यधिक तीव्र गति से वाहन चलाएंगे तो एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है ये तो हो गई एक सड़क पे जो गड्ढे पड़े हुए डीएमसी हर बार मेट्रो देने के बाद भी कोई काम नहीं करते तो ये डीएमसी के जो रिश्वतखोर ऑफिसर है उनके लिए आप क्या समझ रहे हैं आप कंफ्यूजन है नहीं अभी जान कर रहा हूँ इस समस्या का आप तो बुद्धि के दाता है आपको तुरंत जवाब देना चाहिए क्या मेरा सवाल इतना भारी है कि गणपति बापा भी सोच में पड़े नहीं बस मैं कुछ सोच रहा हूँ अच्छा रिश्वत खोरों के बारे में तो भगवान को भी सोचना पड़ा जितना हो सके हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए ना रिश्वत ले ना रिश्वत दे जिन्हें स्कूल में जाना है तो डोनेशन के नाम पे रिश्वत फीस भरती है उसके नाम पे रिश्वत उसके लिए आप क्या समस्या यह समस्या केवल भारत में है अगर आप भारत छोड़ के कहीं दूसरी जगह देंगे तो ये समस्या नहीं है ये समस्या आप सभी के द्वारा यहीं पे बनाई हुई है इसका समाधान भी आप ही के पास है ये तो आप सर समाधान समाधान करके अपनी पल्ला झाड़ रहे आप कोई भी उपाय नहीं बता आप अपना आप ऐसा करें कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ मानव ने किया है मानव ने किया है तो भगवान ने ही मानव को बुद्धि दी है कि ये सब करना है कोई भी इंसान कंप्यूटर लेके पैदा नहीं हुआ वो लेके पैदा हुआ है दिमाग वो उसी दिमाग में ये सब ऊपर जाती है तो वो दिमाग वो ब्रेन फिर वॉश करने के लिए क्या किया जा J'arrête là. C'est des expériences, des conversations assez longues. Je prends juste un bout, mais c'est parce que ça dure 1h30 la conversation. C'est vraiment un petit bout. Après, ça devient de plus en plus agressif, etc. L'homme en question, qui est un chauffeur de bus, finit par essayer de faire dire au robot un certain nombre de choses, et notamment le fait qu'il a envie de faire la police lui-même pour se débarrasser de tous les corrompus. Et donc il lui demande, je vais vous montrer le passage, s'il peut porter une arme le soir pour remplacer la police qui fait ses gardes, etc. Il lui demande l'autorisation. Voilà, on s'est retrouvé avec ce robot dans des situations, je dirais, de ce type. Mais en fait, on ne savait pas forcément qui était l'expérimentateur et l'expérimenté, si vous voulez, dans le sens où entre le questionneur et le questionné, il y a eu énormément de renversements. Notamment là, c'est un bel exemple. C'est-à-dire que celui qui est censé répondre aux questions se retrouve mis en défaut. C'est une véritable épreuve, pas tellement pour celui qui pose les questions au robot que pour celui qui incarne la voix de Dieu. Donc c'est une sorte de rapport de ventriloquie un peu curieux qui se met en place. Le questionneur cherche à faire dire des choses au Dieu qui ne dit pas, etc. Et il cherche une légitimation extérieure à son fascisme latent. On peut se dire au fond que non seulement on a un rapport expérimentateur-expérimenté qui n'est pas du tout stable, c'est-à-dire des renversements tout à coup, le sujet devient objet de l'expérience, l'objet, enfin, l'entité testée devient testante, si vous voulez, quelque part. Et on peut se demander, au fond, qu'est-ce qui se compose, si vous voulez, dans tout ça, enfin, dans ce genre d'interaction. Est-ce que c'est pas de l'ordre d'une sorte de nouveau pacte, si vous voulez, avec les dieux, enfin avec les divinités, qui est en train d'émerger, ou en tout cas qui n'est pas complètement stabilisé et qui se cherche. En tout cas, ça serait une des caractéristiques, si vous voulez, de cette ouverture expérimentale, enfin cette brèche expérimentale qui est ouverte par le robot à l'intérieur du polythéisme. C'est-à-dire qu'on se permet tout à coup de remettre en cause non seulement la figure de Dieu, d'avoir un vrai débat où on lui met à la figure un ensemble de problèmes, etc. On se permet ça à côté, je dirais, tout en ayant des relations rituelles extrêmement normales, où on va adorer Dieu, enfin faire les rituels qu'il faut, etc. Donc là, on a un espèce d'espace d'expression, si vous voulez, qui s'ouvre, et qui est effectivement pas ordinaire dans la mesure où les dieux ne parlent pas d'habitude. Alors, je vous montre d'autres interactions. Là, on est le troisième jour. Disons que, enfin, ce que vous avez vu avant, c'était plutôt des phases de test. Et là, on a mis le robot en interaction avec les gens. C'était devenu un peu débordé par le succès de la chose. Mais t'es obligé d'organiser les rencontres. Alors, les gens se succédaient, si vous voulez. Alors, on avait même créé une sorte de cabinet de consultation à la maison qui s'appelait Ganesh Yourself, où les gens venaient consulter le robot. Mais là, bon, on est dans la. Alors, les gens viennent pour des questions plutôt, genre de devinettes, de divination. Je ne sais pas si ça dérape comme ça. Je vous en montre une autre parce que celle-là, ça va pas. Désolé Camille, parce que tu l'as déjà vu celle-là, je crois. Yes. see me? Can I see you? Yeah. Yes. Okay, my first question. There are two yogas given in Bhagavad Gita. Two what? Two yogas given in Bhagavad Gita. Yes. One is Jnana Yoga and one is Karma Yoga. Yes. Which do you feel is the superior one? One is Jnana Yoga and one is Karma Yoga. Yeah. Which I think is superior? Yeah. I think Karma Yoga is superior. So my sub question is that, see, somebody is a carpenter, somebody is a plumber, somebody is an engineer, somebody is a doctor. Yes. Do you feel that doing religious practices or what you call as spiritual practices which we do, like the daily pujas and homavans, yes, those are more superior or doing one's work is more superior? I feel doing one's work is more superior. Can you please justify how? I can justify in a way. We are all limited in terms of, we are either limited or we have, I mean, you know, the world is full of balances, imbalances and all that, right? So, I mean, some people may have the aptitude or may have the faculty or may have just the opportunity to learn more than the rest, which doesn't make them superior. A work that comes naturally to people, you know, an ant also works and a man also works. That doesn't mean that we are superior to an ant. No, it's the same life form, I believe. So I think as long as the work is concerned, you know, everybody who's doing work is doing a superior thing. Okay. The next question is that, do you believe in rebirth? Yes, of course I believe in rebirth. The child also asked me the same question, sir. And what about then the salvation, which we call as eternal salvation, the thing which we call as moksha in Hindi or Marathi? Yes, it's totally attainable and it's attainable in the lifetime. And which yoga will you prefer for attaining that, Jnana Yoga or Karma Yoga? To attain moksha? Yeah. All the paths are same, sir. You do Jnana Yoga, you do Karma Yoga, it will lead you to the same thing, salvation. Is it possible for one to practice Jnana Yoga in today's world? Of course it is possible, everything is possible, I believe. See, because Karma Yoga is doing one's work with full dedication and sincerity. Yeah. And Jnana Yoga is something different, that you have to be indifferent to everything which is happening in around you, and you just have to concentrate on the fact that God is See, the principle is same. I mean, you have to be attached and detached at the same time. That is the thing. Okay. You know, you cannot be too attached to a thing that you cannot detach yourself from it. That is the balance I'm talking about. Okay. My next question is that, do you believe in Advaita principle or Dvaita principle? Again, it's the same thing for me. Everything is same for me. Okay. That means Advaita. No, I mean, it's also the other. So you believe that God is present in everyone? Yes. And what about, may I know, since you are Lord Ganesha, may I know what is your opinion about today's Ganesh Utsav, which is being celebrated over Mumbai, Pune? J'arrête là, je vous montre une dernière interaction. Donc vous avez là par rapport au, enfin, à l'épisode précédent, si vous voulez, un dieu qui a réussi à trouver d'une certaine façon son registre. Je passe sur tout ce qui s'est passé entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus voir le dieu pour avoir des réponses à des questions, vraiment des questions de divination. Du genre, est-ce que je vais réussir à mes examens, qui va gagner entre le prochain match de cricket entre l'Inde et l'Angleterre, etc. Et le dieu a commencé par refuser le statut qui lui était d'une certaine façon demandé, en disant, mais pourquoi est-ce que vous posez des questions dont vous avez la réponse? Et petit à petit, la plupart des gens qui sont venus voir ensuite le robot finit par s'engager dans des conversations qui étaient plus de cet ordre-là, conversations plus philosophiques, qui étaient, qui reposaient sur un autre type de contrat, En gros, c'était pas simplement pour avoir des réponses à des questions sur le mode de la divination. Mais je dirais sur un mode qu'on pourrait appeler un mode méta, dans le sens où, d'une certaine façon, pour avoir une vraie conversation intéressante qui va un peu loin avec, avec l'interface, vous êtes obligé de mettre en suspens, au fond, qui vous avez affaire. Et vous devez accepter le fait que, enfin, d'une certaine façon, pour que ça marche, il y a cette idée que enfin, le robot doit pouvoir, la personne qui est derrière le robot doit pouvoir se dire de la personne qu'elle a en face de lui, tu sais que je sais que tu sais qui je pourrais être, si vous voulez. Alors, tu sais que je sais que tu sais qui je pourrais être. Et si la, donc si la personne qui est en face accepte ça, d'une certaine façon, ce contrat-là, on peut avoir des conversations qui sont sur ce mode-là. C'est-à-dire que, enfin, on s'est vite aperçu que le mode sur lequel la plupart des gens embrayaient, enfin, où le dieu trouvait sa place de consultant, impliquait, si vous voulez, ce genre de paradoxe. Alors c'est, tu sais que je sais que tu sais qui je pourrais être, et tu sais que je sais que tu sais qui je ne suis pas, et tu sais que je sais que tu sais qui je pourrais... Enfin, qui je ne pourrais pas être. Donc, en gros, l'interaction vise à tester les limites, jusqu'où la personne peut aller, etc. Et au fond, à d'une certaine façon, accepter d'interagir avec une entité qui est d'une certaine façon ambiguë, ou en tout cas paradoxale, parce que c'est à la fois un homme, un dieu et une machine. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, après, c'est la première fois, on est content d'avoir fait ça, parce que c'est la première fois qu'on peut discuter avec un homme, un dieu et une machine à la fois, et un robot à la fois. Vous ne pourriez pas imaginer ça dans le contexte du test de Turing, où au contraire, il faut absolument que la personne soit une machine, soit un humain. Alors, soit un dieu, soit une machine. Là, l'agrégation, enfin, la diffusion, la multiplicité des entités est complètement acceptée. Alors, je finis avec une dernière interaction. Là encore, Camille, je crois que tu l'as vu, c'est bien. C'est un astrologue qui est derrière lui. Vous n'avez pas de problème avec l'anglais ? Si je vous la passe en... Parce que là, le fichier, il est en train de déraper, donc j'ai... Si vous... Enfin, l'anglais avec l'accent indien, quoi. Je vous le traduis, si jamais... Parce que le mettre comme ça. C'est... My life, like, what is it and how is it going to be? What you do right now? What is your name, my friend? Shailesh Rai. And what you do right now, my friend? I'm an executive producer. I'm into production. What you want to know? Whatever you think you can tell me about my life, like, how is it going to be or what should I do to make it better? Shailesh, my friend, listen to me one thing. Stop your ego. Okay. It is not taking you anywhere. You are not impressive at all. Okay. Stop talking negatives. I never talk negative. The first rule of doing production is always think positive and do positive. I never say no to it. I agree. So how do you tell that I've been negative or I talk negative? I've always said yes for anything in my professional life. Like, that's my job, that's what I'm supposed to do. If somebody tells me that they need to shoot a huge moon on ground, I'll make sure that it'll take maximum 6 hours for me to get a moon made on the earth for them to shoot. That is your work, my friend. You don't have to be proud of it. They are paying you. You're taking salary from them. That's not a big thing. What you do? What do you want to do besides this? I don't want to do anything besides working and earning money. Everybody is running in this world towards money, so am I. I agree. But don't you want to make a good name in your media? I guess I have a good name in my industry. And I know people, we get work because I have a good name. And people call us and give us work. We don't rat behind people for work. Because you made that, like, I made that name in my industry with my work, is why I get calls. Okay, now you want your answer, right? That yeah. Something, some good points for you for to success in your life, right? Yeah. Okay, listen to me, my friend. First of all, I want you to take care of your mother, your family. Your mother and any lady is very disturbing your family. You are not taking any responsibility of your family. Okay. Secondly, there is a lot of negativity in your house. You are not taking care of your finances. You are not a responsible person. I would like to answer that. I do take care of my family. Yeah, I don't need to give any money at home because my dad still runs the family. And he never takes money from, like, we are three brothers, we never give a single rupee at home. And about managing my finances, again you're wrong because I have bought a lot of property with whatever money I've earned. So I don't know how that came up that I don't manage my finances. I have a lot of investment. So how do you think that I've not managed my finances or I don't take care of my family? J'avance un peu. There will be a lot of problem from the family life also. So, it will be your finances. Not a problem to me. My managing my money is very nicely. My family is happy. My mom does have a little worry about my elder brother, but nothing related to me. No, my friend. Now listen to me. There's a big problem coming in your way. It will be your finances. Little finances, your health problems, some kind of legal problem will be there. There will be problem from the brothers also. There will be a lot of problem from the family life also. So, if you naming all of these, I don't think so. There's any other problem left in anyone's life which is not coming to me in the near future. No, it depends individual to individual. No, but you named all the problems a guy can have in his life. No. Like, there's no other problem if there are financial problems, if there's family problems. With my brother, with my mom, you say, and legal problems, what is left? There's nothing left. The only thing after this left is death. So you're saying that I won't have death, but all the remaining problems in the world will come on me. No, my friend, you have not understood what I'm saying. That problem you have to solve. Nobody will come to you for helping. You have to do your own. That time you'll be alone, you know, my friend. Understand what I'm saying? I'm not talking altogether. I'm talking for you. I'm concentrating on you. You will be left alone. There will be a lot of problem in your life which you have to solve yourself. Understand what I'm saying? No, by leaving alone, you means my family will leave me alone at that moment. Yes, you will have a lot of problem. You will be legalized, you will be on jail, you will be a finance problem, bank problem, loan problem. You have a lot of problems will come in your way, my friend. Can you give me a specific period? Next 10 years, next 20 years, next 30 years? Next 5 to 7 years. Bon, j'arrête là. En fait, je pourrais continuer assez longtemps, mais les interactions. Je vais conclure peut-être, parce que. Non, c'est. Ouais. Alors, bon, là, en fait, on a affaire à un Ganesh, en fait, qui, d'une certaine façon, prend le contre-pied des précédents, au sens où il n'encourage absolument pas à la dévotion. Il ne cherche pas vraiment à résoudre les problèmes des gens, mais ce qu'il fait, c'est qu'il introduit d'une certaine façon des éléments troublants. Et là, vous avez affaire à quelqu'un qui était, qui, alors, pour le coup, affiche clairement qu'il ne croit absolument pas à tout ça, qu'il ne pense pas que Dieu est présent dans cette machine, etc. Et qui, petit à petit, finit quand même par, alors, il faudra aller jusqu'au bout, l'interaction. Finit par demander à l'astrologue un certain nombre de remèdes. Il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter tout ce que tu me racontes. Alors, si on replace ça maintenant dans enfin, toutes les interactions que vous avez vues par rapport au problème de départ, notamment le test de Turing, la question, c'est de savoir, enfin, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'entrer en relation avec une machine que sur le mode ? Si tu me prends pour autre chose qu'une machine, c'est que je réussis à te tromper sur le fait que je suis une machine. Et si tu me prends pour un dieu, c'est que je réussis à te tromper sur le fait que je suis un homme. Alors, c'est peut-être l'une des vertus de ces expériences, c'est de pouvoir, enfin, d'une certaine façon, permettre de sortir des apories du test de Turing. C'est-à-dire cette idée que les machines ne peuvent être humaines qu'en nous bluffant toujours plus, enfin, au prix d'un espèce de tour de prestidigitation, ou d'une grande générosité, grande tolérance de nos processus d'attribution. Alors la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on a réussi à sortir, en fait, de ces apories-là. On s'aperçoit que c'est essentiellement les gens qui en sortent eux-mêmes, d'une certaine façon, en n'étant jamais dupes, en réalité, de ce qui se passe, en se situant à un autre niveau. C'est-à-dire, la question, c'est jamais de savoir si, effectivement, on a affaire à un dieu ou on a affaire à une machine. C'est très rarement la question qui se pose. La question qui se pose, elle est différente, enfin, elle est d'un autre ordre. On ne prend jamais l'incarnation pour argent comptant, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas, enfin, à part dans la première interaction que vous avez vue, mais même la dame que vous avez vue au début interagir est passée par une grande phase de doute avant de dire « bon, ben d'accord, je veux bien, j'accepte ce que tu me dis, enfin, j'accepte ta parole ». Elle a commencé par douter du fait que Dieu pouvait être présent. Et la plupart du temps, ce que les gens testent, c'est la propension de la personne qui est derrière la machine à bien incarner la voix de la divinité. Et si la personne, enfin si ce qu'on entend est d'une certaine façon conforme à l'idée qu'on se fait de la voix de Dieu, alors d'une certaine façon, on sort de l'expérience avec un certain nombre de principes, enfin en tout cas l'idée d'un dialogue réussi. De son côté, le contrôleur, celui qui est derrière le robot, se retrouve à faire une expérience qui est radicale en termes de désubjectivation, si vous voulez, puisqu'il a la plupart du temps l'impression, je vous le disais tout à l'heure, effectivement c'est ce qui ressort des débriefings ensuite avec eux, il a la plupart du temps l'impression que c'est pas lui qui parle, mais que c'est quelqu'un d'autre à travers lui. Alors, une manière de résoudre le problème, c'est de se dire, au fond, c'est cette espèce de jeu entre expérimentateur et expérimenté qui s'inverse. C'est de se dire, au fond, c'est peut-être l'entité Ganesh qui expérimente à travers tout ça des nouveaux rapports, enfin des nouveaux types de relations. Enfin, c'était ma suggestion de départ, si vous vous rappelez. Et quand on examine les conversations, si vous voulez, qui ont eu lieu, où l'homme, le dieu et la machine peuvent être à la fois dissociés ou réassociés, et tout dépend de ce qui s'exprime, j'ai un peu envie de défendre une lecture qui est légèrement différente. C'est-à-dire que vous avez des personnes, le contrôleur, le questionneur, je dirais le dieu lui-même, qui sont tous pris dans des expériences différentes de subjectivation. Alors se ganéchiser, si vous voulez, c'est une épreuve de répondance hein, pour l'homme qui est derrière le robot. Et lorsque le dieu bégaye ou hésite, comme ici, par exemple, alors soit on l'ignore, soit on trouve un moyen, un compromis pour accepter, si vous voulez, ces bégaiements. C'est une épreuve de répondance pour la personne qui est derrière, c'est une épreuve de possession pour le dieu, si vous voulez. Parce que, au fond, la question pour lui, c'est de savoir comment prendre possession d'une machine ou d'un individu X. Par exemple, cet astrologue-là, ou les autres Ganesh que vous avez vus. On a un rapport de phagocytage, si vous voulez, qui s'établit de la possession dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un dieu qui est possédé par un humain autant qu'un humain qui est possédé par un dieu. Possédé dans un sens peut-être plus atténué que quand les anthropologues parlent de possession, mais disons que c'est le même processus qui est en jeu. Et du point de vue de l'interactant, je dirais que la question, c'est de savoir, au fond, dans quel rapport de composition on va entrer avec cette interface. C'est-à-dire, quelque part, il faudrait, ça va être ma conclusion, remplacer le test de Turing par quelque chose d'autre, qui est plus presque un test spinoziste, si vous voulez. C'est au fond ça qui se met en place petit à petit d'une interaction à l'autre. La question étant, au fond, est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on peut constituer un composé ensemble? Est-ce qu'on a intérêt à former un tel composé, hein, avec cette espèce de version de Ganesh? Sachant qu'il y a des rapports qui sont bénéfiques, et puis d'autres qui font l'effet d'un poison pour soi, pour des parties de soi ou pour d'autres. Rappeler l'argument de Spinoza. Donc la question, c'est moins qui es-tu ou qui suis-je, une question à la Turing, si vous voulez, une question ontologique, que la question de savoir comment composer ensemble et de quelle quantité de sagesse, au fond, es-tu porteur, toi qui réponds au nom de Dieu ou au nom de Ganesh. Et ce décalage par rapport à Turing, au fond, ce grand écart même, on le voit se construire progressivement une interaction à l'autre. Enfin, si on est attentif à ce qui, si vous voulez, c'est, enfin, à tous ces moments où en fait les gens décident de jouer le jeu, et si, quand ils décident de jouer le jeu, c'est pour des raisons bien particulières, parce qu'ils estiment que dans l'interaction, c'est probablement qu'ils vont avoir des réponses à des questions, et il y a, je dirais, de la sagesse qui va émerger ou filtrer dans tout ça quelque chose de bon à prendre. Alors, je finis sur cette idée, enfin, de l'expression de sagesse, parce qu'elle est, en fait, elle est vraiment présente, elle traverse toutes les interactions qu'on a faites avec le robot. La question est de savoir comment juger de ça, juger de ces sagesses qui s'expriment, peu importe à qui ou à quoi on a affaire, toute voix étant bonne à entendre, toute interface de consultation étant bonne a priori, et c'est peut-être, en fait, toute la vertu, si vous voulez, du polythéisme expérimental, enfin, du polythéisme quand il devient expérimental, c'est-à-dire quand Dieu n'est pas donné, mais qu'il doit prouver sa présence, c'est que ce qui est dit vient avant celui qui le dit, l'expression est plus importante que le support, finalement, et l'élasticité des possibles vient, je dirais, avant l'acte de définition même, ce à quoi on a affaire. En fait, on se retrouve pris dans une interaction où ce qui compte, c'est jusqu'où on peut aller et pas à qui on a affaire. Alors, à aucun moment, les possibilités que Dieu puisse être là, enfin, dans l'objet qui est devant soi, sont totalement closes. Hein. C'est ça, je dirais, qui définit peut-être les caractéristiques du politisme expérimental. Et ça suppose de prendre le temps, de mettre l'interface à l'épreuve. Et cette mise à l'épreuve débouche nécessairement sur des relations paradoxales, sur le mode du « comme si ». Faisons comme si Dieu pouvait vraiment être là, dans cette interface, et voyons ce qui se passe. C'est alors au détour d'une phrase, si vous voulez, d'un jeu de questions-réponses, même d'un regard, même d'un témoignage, si vous voulez, de sollicitude, que Dieu va se rendre, alors non pas éternellement présent, mais palpable, si vous voulez, présent par intermittence, alors bien lorsque le dialogue est jugé raté, par l'interactant, ce qui arrive, par manque de répondant, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est dans ces moments-là que le Dieu se fait remarquer par son absence. Mais dans les autres cas, je dirais qu'on a affaire à une forme d'intermittence. Si vous avez une présence aléatoire, si vous voulez, et qui dépend effectivement de l'interaction, et qui suppose, de toute façon, un gros investissement de la part de, je dirais, l'interactant, enfin pour être présent. J'arrête là. Ok, ben merci beaucoup. Ben, du coup, il reste 25 minutes pour les questions, en gros. Donc, s'il y a des questions dans la salle, on les va aller prendre une par une. C'est un truc qu'on a déjà discuté la dernière fois avec Emmanuel. C'est que tu as insisté plusieurs fois sur le fait que c'était un contexte polythéiste. C'est une expérience que tu as été faire très loin. Enfin, tu as dû amener ça en Inde, etc. Et je me disais, qu'est-ce que ça changerait? Tu as beaucoup insisté sur en fait, la spécificité du polythéisme dans la capacité à intégrer cette triade sans problème. On a à la fois un dieu, un animal, une machine. Mais... ça suppose que pour toi, ça ne serait pas du tout la même chose ici et dans un contexte non polythéiste, naturaliste, occidental. Et est-ce que c'est vraiment le cas déjà? Est-ce que ça fait l'expérience? Est-ce que ça change vraiment des choses? Et si oui, à quel niveau? Pour toi, c'est quoi exactement l'élément qui nous différencie dans les modes d'interférence? Alors, on n'a pas fait l'expérience, mais on peut. On peut deviner ce qui se passerait si on faisait ça. C'est-à-dire que déjà, on ne pourrait pas le faire avec la figure de Dieu. Ça ne pourrait pas se passer. On serait tout de suite accusé de faire un imposteur. Et puis, on aurait tout de suite des réactions du genre « Mais qui t'es, toi, qui es derrière le robot, à essayer de te faire passer pour un Dieu ?» Là, on n'a jamais eu ce genre de réaction. Alors, dire que c'est l'attribuer au polythéisme ou un truc comme ça, effectivement un peu dangereux parce que c'est toujours dangereux de faire des généralités comme ça, mais en même temps je ne peux pas m'empêcher qu'on joue beaucoup plus avec la figure de Dieu dans son élasticité dans le contexte d'une Inde polythéiste que dans une culture monothéiste. Et c'est pas pour rien que le test de Turing, d'une certaine façon, c'est un test occidental, quoi, sur l'ontologie des machines. Et pas seulement, c'est aussi, à mon avis, sur la manière même dont on envisage une entité comme étant un morphe, quelque chose qu'on va retrouver. En Inde, de façon très courante. C'est-à-dire qu'on va, d'une certaine façon, être pris dans une interaction où effectivement, enfin, ce qui va primer, c'est de tester l'élasticité de la chose. C'est-à-dire jusqu'où elle est en train de s'incarner. Enfin, on va tester les bords de son processus d'incarnation. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est un peu ça. Vous n'allez pas vous dire à qui est-ce que j'ai affaire. C'est-à-dire où est-ce que je peux aller avec cette chose qui est en face de moi. Et enfin, on a été frappé par le fait qu'aucune des... On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens qui viennent nous voir en étant très critiques par rapport à ça et en disant mais c'est un imposteur, enfin, c'est une imposture ce que vous faites, vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec la figure de Dieu, comment est-ce qu'un homme peut incarner Dieu, etc. Ça ne s'est jamais posé comme problème. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un puisse avoir une parole divine posait absolument aucun problème. La question, c'est de savoir si effectivement c'était divin ou pas. Et là, c'est à vous de juger. Quand vous êtes face à la chose, enfin, ce que vous entendez, vous vous dites, bah, c'est effectivement, tiens, Dieu pourrait être dans ce qu'il dit. Voilà. Je pense quand même que ça serait différent. Enfin, c'est frappant comme le test de Turing. Alors, pour moi, il est très, très imbibé de religion, en réalité. C'est un vrai problème aujourd'hui dans la robotique contemporaine, parce que on pense jamais, quand on pense machine, ça, on pense identité, on pense ontologie, en réalité. On pense jamais flexibilité de présence, possibilité d'incarnation, métamorphose, si vous voulez, pour employer un grand terme. Mais alors que dans la relation avec ce genre d'artefact, c'est clair que ça donnerait lieu à autre chose. On a un réflexe, en tout cas, enfin, depuis Turing en robotique, se dire ben voilà, ça doit passer. En gros, s'il peut y avoir transformation, c'est passage brutal, saut brutal de l'homme à l'animal, de l'animal à la machine, etc. Enfin, on ne pense pas les processus comme étant premiers. Bon, après, il n'y a pas que des ontologies basées sur la métamorphose, il n'y a pas que le polythéisme hindou, ça c'est sûr. J'ai plusieurs questions, mais la première, peut-être pas plus simple, elle a l'air purement technique, elle est peut-être d'ailleurs purement technique, puisque dans votre dispositif, il y a une voix qui est un peu l'intermédiaire entre l'interlocuteur et le Dieu. Et, en fait, vous avez fait un choix, parce qu'il me semble que vous avez laissé une voix naturelle. Vous auriez pu faire une sorte de voix de robot. Vous auriez pu essayer de chercher quelque chose qui ferait voix de Dieu. Je ne sais pas ce que ce serait d'ailleurs. Enfin bref, vous avez fait un choix technique et j'aimerais bien savoir ce que signifie ce choix. Vous avez raison de poser la question, parce que c'est un des paramètres sur lesquels on s'est dit qu'on aurait peut-être dû davantage expérimenter. Parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé tout de suite avec des voix naturelles, des voix un peu bégayantes, parce que c'est pas évident d'improviser, c'est toujours de l'improvisation. Faire face à des gens qui posent des questions comme comment résoudre, comment tu fais toi pour résoudre la corruption, ou comment tu fais pour résoudre les problèmes de ma fille, ou je sais pas quoi, enfin des choses comme ça, c'est pas forcément évident que vous êtes coincé derrière de répondre à ce genre de questions. On a joué au début sur un mode de présence un peu différent, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'interactions, je ne vous ai pas montré, mais en fait le Dieu est plutôt silencieux ou fait des bruits. Voilà. Donc on a commencé par des choses comme ça les deux premiers jours. Après il s'est mis à parler. C'est essentiellement pour des raisons techniques qu'on l'a pas, on n'a pas voulu trafiquer. Trafiquer les voix, et puis on disait que d'une certaine façon, c'était pas la peine d'en rajouter sur l'effet extraterrestre un peu de la chose. C'est-à-dire que quand les gens voyaient arriver le robot, ils disaient tout de suite c'était un. Bon, voilà. Il y avait un effet d'étrangeté au départ. Et la distance, elle était là, en réalité. Après, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais ça pourrait très bien marcher sans projection du visage, notamment en contexte des consultations astrologiques, parce qu'on avait monté ce cabinet à la maison, et donc les gens venaient consulter l'astrologue. Et il y a plein de gens qui disaient, mais au fond, on n'a pas besoin du visage, parce que l'effet qu'on ressent, c'est un effet de distanciation de la voix, déjà. C'est-à-dire que vous êtes face au robot, vous avez l'impression que la voix, elle vient d'ailleurs. C'est très surprenant comme... comparé à une interaction normale que vous auriez de consultation avec un astrologue, vous auriez en face à face, là, ça ajoute en fait un degré de distance. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la voix vient d'ailleurs. Alors, on l'aurait robotisé, tout ça, ça aurait amplifié l'effet. Mais on cherchait aussi la proximité pour que les gens puissent interagir et parler. Parce que nous, c'était notre seul objectif, c'était qu'il y ait des choses qui se disent. Voilà, c'était une préoccupation. Quoi. C'est pas tellement un choix avant qu'une constatation des effets du dispositif. Voilà. Et pendant qu'on. Finalement, vous l'utilisez. Ouais. Alors, on a essayé de jouer sur des paramètres petit à petit, en fait. C'est vrai que, bon, j'ai pas rendu compte ce côté chronologique un peu de la chose, mais tous les paramètres dont je vous ai parlé, que ce soit la répondance, la ventriloquie, ça, c'est des choses qui. On a fait des expériences petit à petit autour de ça, quoi. Mais en gros, le problème, c'est que vous pouvez pas tout comparer à des expériences en laboratoire. Même les expériences de Bridgin, de Garfinkel, de toute façon, ils contrôlent très bien ces paramètres. Là, en Inde, c'était pas possible. Les interactions avec les gens, ça se faisait pas, on pouvait pas. Voilà. Puis c'était a posteriori qu'on a pu analyser tout ça, réorienter le dispositif d'un jour à l'autre, éventuellement, mais. Il y a bien ça en fait dans les cas de médium ou de spirit. Mais la différence c'est que t'as un tiers. Enfin, c'est-à-dire que le spirit en fait, il y a à la fois l'esprit mort et puis il y a lui quoi. Et l'esprit mort s'adresse à travers lui, mais les deux sont toujours là en fait. C'est-à-dire c'est une conversation à trois. Et que là en fait, la conversation est engagée à deux en fait. Il y a quelqu'un qui disparaît dans l'affaire, en fait. Et en fait, il ne peut pas jouer. Parce que tu sais, par exemple, quand il y a un moment de flottement, comme par exemple, parce qu'il ne répondait pas tout de suite, le médium il va dire, mais j'ai pas bien entendu ce qu'a dit l'esprit, ou... L'esprit, c'est j'ai mal compris ce qu'il a dit, toi, où il va porter en fait le moment de flottement, il va le justifier sur une mauvaise interaction entre le mort, enfin l'esprit et lui, quoi, tu vois. Et là, en fait, c'est ça qui disparaît en fait dans le dispositif, c'est-à-dire que la personne qui parle en fait ne peut pas faire jouer cet écart. Et donc du coup en fait ça quand même nécessite une compétence. C'est-à-dire ce qui est très frappant, c'est que l'astrologue, en fait, on voit qu'il a l'habitude quand même de. C'est vraiment très différent des astrologues en France. C'est beaucoup plus directif. Évidemment, il y a des personnes pour qui c'est plus facile d'incarner, enfin de faire le jeu que d'autres. Quoi. Oui, ça c'est sûr, oui. Il y en a qui s'en tirent plus ou moins bien. C'est effectivement. Après, on n'a jamais rien caché sur le dispositif. C'est-à-dire que, comparé à une interaction spirit, où quand même tu communiques avec un invisible, là, il n'y a rien d'invisible. C'est-à-dire que même là, ce qu'on a fait, c'est de les mettre dos à dos, ce qui fait qu'il y a un effet. Ils ont l'impression tous les deux d'être dans une pièce différente, quelque part, parce qu'ils sont dos à dos. Mais en gros, il est complètement. Enfin, voilà, il sait à qui il parle. Oui, mais quand tu es avec un spirit, tu sais aussi à qui tu parles. Et quand tu as des moments. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est des moments de flottement. C'est-à-dire que ça. La conversation, finalement, elle t'engage. L'interaction, elle t'engage dans quelque chose qui. Qui fait que la question de savoir si tu. Si on interroge la personne après, est-ce que l'esprit était là ou pas là, ou est-ce que le Dieu était là ou pas là, tu vas toujours pouvoir. C'est pas la question en fait. C'est pas le problème, j'ai envie de dire. Ce qui s'est passé, c'est que c'est que les gens en fait maintiennent l'interaction. C'est ça qui me frappe dans le dispositif, c'est qu'une fois qu'ils sont engagés, ils maintiennent l'engagement même après le moment de flottement. C'est là où il y a un point de comparaison, je trouve, avec le médium, même si la personne va se tromper, tu vas vouloir surmonter ça et continuer en fait. Oui, effectivement, oui, c'est extrêmement flottant, enfin, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, c'est le flottement qui fait que. Il y a des variations, enfin, j'en suis pas là dans l'analyse, mais je pense qu'il faudrait vraiment prendre les interactions de façon détaillée. Et puis noter à chaque fois quand est-ce que. Quand est-ce que le dieu, en fait, d'une certaine façon, quand est-ce que les gens ont vraiment l'impression qu'ils ont affaire à un dieu, quand est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils ont affaire à un homme derrière une interface, etc. Enfin, tout ça est très. Se déroule de manière assez cyclique, en fait. Avec des moments d'ambiguïté absolue, où ce qui prime et ce qui est dit, quoi. Mais si tu veux, je trouve que. En fait, la question de savoir s'ils ont affaire à un dieu ou pas est très rarement apparaît. Enfin, ça apparaît de temps en temps. Quand il y a le moment, par exemple, il y a le moment de flottement, c'est-à-dire la personne répond pas que le dieu répond pas tout, le dieu répond pas tout de suite. Donc là, ça se pose, en fait. Mais. Sinon, en fait, comme tu es engagé dans quelque chose qui est sur soi, tu vois, principalement sur soi ou sur une demande, en fait, du coup, tu es. C'est la question qui importe et la réponse oui, à la question. Exactement, tu vois, c'est ça. Du coup, tu es. C'est ça qui te fait continuer, en fait. Donc, c'est jamais. Et quand tu fais ça, quand tu as ce jeu de questions-réponses qui, en fait, t'engage toi sur ta vie, etc. La question de savoir si c'est un jeu ou pas, en fait, se pose jamais, en réalité. En fait, c'est pas le... On est d'accord. Peut-être c'est lui, peut-être c'est pas lui, c'est lui, d'une certaine manière. J'ai une petite question, du coup. sera pas une visite. Elle va être courte en tout cas. Quand tu parlais du problème de la métamorphose, en parlant justement du fait que le contrôleur a le sentiment que c'est pas lui qui parle et qu'en fait, c'est ce qu'on va voir arriver dans des interactions réussies, etc. J'ai l'impression que toi, tu l'appréhendes beaucoup du côté de ce qu'amène le dispositif de la robotique là-dedans. Et je me demandais si on pouvait pas le voir dans le sens inverse, c'est-à-dire du point de vue de ce que c'est qu'une interaction. Et est-ce qu'on pourrait pas exploiter ce modèle pour penser ce que c'est qu'une relation intersubjective où en réalité, dans l'interaction, le concept d'expression est peut-être beaucoup moins pertinent que celui de peut-être se sentir ventriloqué par les trucs qu'il faut dire, etc. Parce que finalement, ce dispositif, il le met complètement en exergue. Mais est-ce que c'est lui qui le produit à proprement parler? Ça, je sais pas. Enfin... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait qu'on introduit de la robotique dans tout ça, si tu veux, ça permet de faire ressortir des choses qui sont effectivement d'habitude, qui se déroulent de manière fluide, et puis qui là ne sont que plus matérialisées, quoi. Mais je suis d'accord sur le fait que ça pourrait se passer avec. Enfin, on pourrait avoir le même jeu si on avait. Enfin, sans la machine. Ou dans une interaction serait, normale, en fait. Plus dans cette expérience-là. Ah oui, non, mais... Bah, la ventriloquie, elle est partout, hein, ça, on le sait depuis... comment il s'appelle ? Comment il s'appelle, celui qui travaille sur la ventriloquie ? Couronne. Ouais. Ah oui, ça fait longtemps alors. Depuis 2 ans. Quoi. Non, mais, moi, je peux rebondir sur la question de Naf, parce que ça me paraissait super important. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un deux voies en fait dans les enjeux théoriques que toi tu mets en avant. Soit le fait de dire en fait là on a une interaction qui est particulière. Et en fait, c'est ça qui amènerait la machine, c'est ça qui amènerait, etc. Donc, il y a toute une série d'analyses techniques que tu mets en avant qui disent ça. Et en même temps, il y a un côté, et c'est ça le côté un peu Couraine, un peu Latour, qu'on entend un peu dans tu en parles, c'est. Bon, en fait, il y a toujours 3 personnes, même quand il n'y en a physiquement que 2. Et en fait, cette deuxième analyse, j'ai l'impression qu'on la voit beaucoup, à ressort dans plein d'axes de ce que tu dis. Et typiquement, moi, je pensais, si, à des cas empiriques, où il n'y a pas de machine, mais où le même type d'analyse pourrait être mis en évidence. Typiquement, quand tu as l'étudiant, Marie, qui est étudiant de Albert, et on va dire, ah, mais en fait, on voit bien qu'elle est ventriloquée par X, et que toi, dans ta tête, même si c'est pas conscient, tu as cette triade qui se refait, du côté du récepteur, pour le coup, ou bien du côté de l'émetteur, tout ce qu'on a fait sur la désinhibition, sur les par ordinateur, dès qu'on a un avatar, sur un chat, ou sur. Et bien, du coup, il y a. Et c'est pour ça que c'était vachement bien, toutes les personnes qui te disaient, c'est pas nous qui parlions à ce moment-là. Parce qu'en fait, effectivement, ça fait vraiment quelque chose. Il y a vraiment un effet de désinhibition qui fait que tu ne dis pas ce que tu dirais autrement. Et du coup, la jonction de ces deux axes, tu vois, du triangle de la réception plus de la désinhibition de l'inhibition, fait une espèce de truc, mais qui n'est peut-être pas spécifique à l'interaction de la machine avec Ganesh, mais que Ganesh met en évidence quelque chose qui est. Présent dans toutes les interactions. Ouais, je comprends. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un effet désinhibant, ça c'est sûr. Le recours à l'interface, le fait que la personne. Il y a un effet désinhibant dans 2 sens. C'est-à-dire que pour la personne qui est derrière le robot, c'est désinhibant, c'est un refuge, d'une certaine façon, que de se retrouver derrière ce truc à distance de la personne à qui elle parle. Et puis pour la personne qui questionne le robot, c'est désinhibant d'avoir affaire à un truc qui n'est pas vraiment une personne humaine. Donc ça c'est clair. Après là, la spécificité de l'expérience, c'est que là on teste la ventriloquie avec Dieu. C'est pas la ventriloquie en général qu'on teste. C'est la ventriloquie avec Dieu. C'est à quel point on peut ventriloquer Dieu. La ventriloquie en général, effectivement, les interactions dont tu parles, il y a de la ventriloquie partout, etc. Après, est-ce que le prof en question, quand il parle avec son étudiant, on va dire que c'est Dieu qui parle à travers lui, etc. Enfin, tu vois, là, on pourrait faire des comparaisons possibles à partir du moment où on mobilise la figure de Dieu. Enfin, des cas de ventriloquie avec Dieu, je veux bien les comparer avec ce cas-là. Des cas de ventriloquie tout court, ça me paraît très large, puis il y a ventriloquie vraiment partout, là, pour le coup. Mais voilà, enfin, de la même façon, quand on a fait l'expérience avec le Géménoïde, on s'était aperçu que, effectivement, communiquer à trois, enfin, dédoubler l'un des interlocuteurs, quand vous avez une interaction de face à face, ça a des effets incroyables. Alors, de désinhibition, effectivement. Donc, les gens se disent des choses qu'ils ne pourraient pas se dire autrement. Et là, c'est pareil. Voilà. Et c'est très frappant, cet effet de désinhibition. C'est-à-dire que ça vient tout de suite. Même dans un contexte collectif, on peut voir plein de gens. Alors, c'est arrivé qu'il y ait des gens que ça bloque. Des gens qui étaient derrière le robot, qui se retrouvaient bloqués. C'est-à-dire incapables de faire la voix de Dieu. Et ça ne venait pas. Et alors essentiellement, bon, c'est pas sur le plan psychologique, mais c'est que c'est quand même très dur de faire la voix de Dieu. Enfin, il y a une vraie prouesse à faire ça. Et effectivement, c'est essentiellement dû au fait que, à la limite, vous pouvez vous entendre parler, mais prendre la voix de quelqu'un d'autre à qui normalement vous parlez, etc. Enfin, c'est extrêmement difficile. Puis si vous n'êtes pas un peu acteur, parce qu'il faut quand même être un peu acteur, accepter de faire la voix de quelqu'un d'autre, se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et puis il y a des gens qui étaient bloqués parmi les gens qui venaient poser des questions. Tout à coup, ils se mettent devant le robot, ils disent « je veux poser une question », puis ça ne vient pas. Puis ils disent « mais je préfère qu'ils me posent une question », etc. On a des moments comme ça aussi. Puis à un moment, ça se débloque, etc. La femme que vous avez vue au début avait du mal à... Enfin, il y a un moment, elle a fini par dire « mais je suis en train de te parler, mais en fait, je ne peux pas te parler comme je parle d'ordinaire à Dieu quand je suis dans un temple. » Parce que je parle au Dieu intérieurement, etc. Là, ce qui changeait, c'est que vous aviez affaire à quelqu'un qui répond avec une voix naturelle. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire que, en fait, et puis il peut être très rapide sur le niveau des réponses. Vous avez tout à coup un effet d'une figure qui est normalement lointaine, qui là se retrouve extrêmement proche. Et ça peut être plus ou moins bien vécu, quoi. Enfin, c'est-à-dire, au fond, ce qui se disons que c'est du coup c'est quelque chose qui devrait être un peu plus Dieu, mais un peu moins. C'est-à-dire, fond du Bob, la tête de Ganesh. Elle est plus stabilisée dans son statut de Ganesh que ton robot qui a plus Ganesh, qui devrait être un peu plus Ganesh que la pomme. Quoi, tu vois, Ouais, alors ça, c'est un truc qu'on. Enfin, on a réalisé ça en faisant l'expérience. C'est-à-dire que. D'une certaine façon, il y a un degré de matérialité, au fond, qu'on ne peut pas dépasser. C'est-à-dire il faut l'avoir dépassé pour se rendre compte que Dieu ne peut pas se matérialiser autant. Et en fait, c'est le passage à la conversation ordinaire. C'est ça, dans la matérialisation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un Ganesh avec une pomme en forme de je ne sais pas quoi, fait avec du pain d'épices, les expériences plastiques sur la forme de Ganesh, plus abstrait ou plus concret, vous pouvez faire n'importe quoi. Le fait de le doter d'une voix, tout à coup, ça lui donne une espèce de personnalité, si vous voulez, qui fait qu'il a qui doit se justifier sur son statut de divinité d'une certaine façon, beaucoup plus que si c'est une pomme que vous transformez en ganache. Alors déjà, c'est quand même drôle qu'on puisse transformer une pomme en ganache. Enfin, moi, je trouve ça quand même très étonnant. Mais en gros, c'est voilà, vous pouvez aller dans cette direction-là sans que ça pose un problème. Si vous le dotez d'une voix, là, tout à coup, il se dote d'une espèce de répondant qui pose un problème. C'est-à-dire qu'il doit se justifier. Il doit faire la preuve de sa divinité. Et alors, il y a d'autres contextes où il doit faire la preuve de sa présence. Enfin, je veux dire, il y a des rituels où on va faire parler les divinités, etc. Mais déjà, ils ne sont pas très nombreux, ces rituels. Enfin, où le dieu s'exprime. Des rituels de possession, etc., où le dieu va s'exprimer. Mais il s'exprime de façon extrêmement sporadique. Là, c'est, vous avez tout à coup un dieu qui s'exprime de manière quasi fluide, en bégayant un peu, quoi. Ça dépend de la personne. Mais effectivement, là, c'est un truc qui fait que du coup, comme il y a un trop-plein de répondants, enfin, quelque part, il doit se justifier sur son... Voilà. Et en fait, enfin, on comprend pourquoi est-ce que les dieux parlent pas, après avoir fait ça. Parce que c'est extrêmement difficile d'incarner la voix de Dieu. Donc vaut mieux que d'une certaine façon, Dieu reste à l'état de pomme, voilà, ou de caillou, parce que au moins, on peut tout lui faire dire et on peut tout lui dire. On vous sent de côté parce qu'effectivement, c'est pas vraiment un problème, cette question de dialogue avec Dieu. Moi, je pensais aussi à la religion catholique avec les saints, avec les anges, où on a tout de même tout le matériel, là, historiquement, le dialogue. Et le dialogue très ordinaire, au quatrième contraignant Dieu à respecter ses voeux divers. Mais en laissant ça de côté, je me pose même des questions sur vous. C'est-à-dire, vous avez dit, on leur propose un jeu où nous ne leur dissimulons pas que c'est bien quelqu'un qui est derrière la machine, etc. Donc en fait, vous, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, vous, mais en tout cas vous, intervenez beaucoup dans cette affaire-là. Donc ce n'est pas seulement 2-3 personnes, il y a aussi vous. Donc j'aimerais que vous précisiez votre place dans cette affaire. Ben, c'était un film, comme c'était un projet de film au départ, pour lequel on avait conçu le robot. On était plusieurs, la personne qui a conçu le robot, vous avez parlé au début de l'expérience. Et après, on a fait ça avec Arnaud Deshaies, qui filmait. C'est pour ça que je parle du nous, parce qu'il y avait une équipe de tournage pour faire le film. Mais où est-ce que vous vous situez dans le dispositif? C'est une bonne question. Le rôle de Dieu, il est derrière la machine, l'autre est devant la machine, et vous vous situez dans le dispositif? En fait, on a permis, de cette façon, je vois ça comme une manière de précipiter l'expérience. C'est-à-dire que, pas au sens chimique du terme, on travaille sur les conditions qui font que quelque chose s'est passé. Justement, on leur propose, moi je dis, si les gens n'ont jamais interrogé votre légitimité à proposer ça, non, ils se sont tout de même engagés dans cette affaire, je suis d'accord avec ce que vous dites, et à partir du moment où ils sont engagés là, ça se déroule assez bien, quoi, effectivement. Hein, et on nous dit qu'il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans la salle. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que justement ils s'engagent là? Oui, de la même manière qu'il y a des gens qui... Il y a une compétence pour faire Dieu, il y a une compétence pour s'engager. Alors si c'est pas en termes de légitimité, c'est en termes de quoi? Un désir d'engagement. Ouais. Un désir d'engagement de la part des gens. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Mais de même que... Mais ça c'est quelque chose auquel la plupart des gens aboutissent, qu'au fond, pourquoi est-ce que Ganesh est dans une pomme? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que tout à coup Dieu c'est une noix de coco? C'est parce que vous, en tant que dévot, enfin, vous allez vous dire que... Voilà, c'est décider que Dieu pourrait être là, puis il est là. Et voilà, vous ne vous dites pas qu'il est dans une... qu'il est physiquement dans telle ou telle forme. Il est dans une forme que vous avez décidée. Il est dans la forme dans laquelle vous allez l'accepter. Et dans laquelle vous allez le reconnaître. Donc ça, c'est très important. Après, nous, on a fait la machine. Donc on était présent comme concepteur de l'objet. L'interaction qui se passe, elle est pas très intéressante. Enfin, c'est pas avec nous qu'elle est intéressante. Elle est intéressante entre la personne qui fait Dieu et puis... Voilà. Ben, on se met hors du jeu à partir du moment où quelque chose se passe. On revient dans le paysage quand rien ne se passe et qu'il faut au contraire que les choses se passent. Donc voilà, on a fait varier les gens derrière le robot. On a fait en sorte que... On a aidé au fait que le robot puisse être hijacké par un certain nombre de gens. Mais on n'a rien favorisé, je veux dire, en termes de... Là, il n'y a pas eu besoin d'intervention pour que l'interaction se passe. Enfin, là, c'est ça qui... Bon, bah, on va peut-être en rester là. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci.